LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Le prix du pain a été augmenté dans tous les marchés et le peuple, toujours déraisonnable, a murmuré partout. On a de la farine de seigle, on a de la farine de la T165, on a de la farine T170, de la farine complète, du grand épeautre également. Allez, allez, au choix. Pavé meunier céréales bio, 12,50 le kilo. Le mécontentement du peuple est tel que s'il y a incessamment quelques diminutions au prix des grains et à celui du pain par conséquent, il sera difficile de s'assurer de le pouvoir longuement contenir. La baguette bio, 1,10€. On vend des pommes. Pomodoro, il pomodoro che zona viene adesso? Vittoria, zona ragusana. Des oignons, des patates douces, des carottes. Une ville, c'est un rassemblement, faut pas l'oublier, de consommateurs qui sont pas nécessairement des producteurs. Le pain d'épeautre à 12,65 le kilo. Pavé nordique, 13,45. Ravitailler la ville. Hier et demain. C'est 2€ les corbeilles. Élise Gruot, Agnès Catou. Vous n'avez plus de baguettes? Non, alors une tradition. Qu'est-ce que vous allez acheter? Je voulais une baguette, mais il n'y en a pas, donc je vais prendre notre radis graines. Premier épisode. S'il vous plaît, oui. Et du grain, Germa, l'État. Le pain, c'est pas juste mélanger de l'eau et de la farine et boum, voilà, ça fait du pain. Non, non, c'est vraiment, il y a un travail et on part d'un grain de blé et quand on a cette farine entre les mains et qu'on a cette pâte qu'on réussit à transformer et on voit l'évolution, la fermentation, franchement, il y a tellement d'étapes. Lamer, quand je dis lamer, ça veut dire que c'est le coup de scarification sur le pain, le mettre au four, écouter ce bruit qui croustille, c'est toute une histoire en fait. Si on aime ce qu'on fait, voilà, on prend du plaisir à chaque étape. Dans un rayon de 200 mètres autour de chez moi, un quartier de la capitale, je dénombre pas moins de 20 supermarchés classiques ou bio, 30 boulangeries, 10 épiceries de quartier, 4 marchés hebdomadaires, une centaine de points de restauration, et tout cela crée un sentiment de stupeur. Par quelle opération quasiment invisible la nourriture passe-t-elle de la terre à l'assiette et arrive-t-elle dans nos villes, dans une continuité, une variété et une abondance telles qu'on croirait habiter un pays affranchi du temps et de l'espace? D'où vient cette nourriture et par quelle histoire s'est-elle distribuée ici dans une telle abondance, quand ailleurs elle manque cruellement? Nourrir la ville est une question aussi vieille que la fondation des premières cités. Les crises récentes ont révélé la fragilité des circuits d'approvisionnement, et la question est toujours un enjeu considérable, quand on sait que la population urbaine devrait doubler d'ici 2050 et que 2/3 de la population mondiale vivra en ville. Et le goût de cette baguette tradition, comment vous pourriez le décrire? Ce goût, il nous fait un petit peu rêver, ce goût caramélisé, il est un petit peu sucré, il est un petit peu ancien. Il n'y a pas que le goût, il y a l'odeur aussi qui se marie avec. Voilà, cette odeur un petit peu ambrée, ce croustillant qu'on a dans la main, quand on appuie dessus, c'est ce moelleux à l'intérieur, c'est tout ça qui fait la tradition. Moi, franchement, j'aime le pain. Je peux pas m'en passer du pain. Je mange du pain avec tout. Non, je fais une petite mise à jour. Alors que la guerre en Ukraine bouleverse l'approvisionnement en blé à l'échelle mondiale, entraînant des phénomènes de spéculation et d'achat massif des stocks de céréales par les banques et les fonds d'investissement, nous allons chercher dans le passé de l'Europe comment les autorités politiques se sont comportées pour assurer que le pain ne manque pas. Depuis le Xe siècle en Occident, le pain s'est imposé comme base de l'alimentation. Mais cette nourriture n'avait rien d'évident pour les humains d'il y a quelques millénaires. Le préhistorien Jean-Paul de Moule nous parle de cette révolution par laquelle, en devenant centrale dans notre alimentation, les céréales ont aussi transformé la nature des relations politiques et ont été le produit propice à la naissance des États. Sous ses allures gourmandes, encore et toujours, le pain est politique. pendant l'essentiel de son histoire, l'humanité a été nomade en fonction des ressources saisonnières. Et puis donc se produit il y a 10-12 000 ans ce qu'on appelle la révolution néolithique, c'est-à-dire l'invention de l'agriculture sédentaire. Pourquoi à ce moment-là ? Parce que on arrive dans un interglaciaire depuis 100 000 ans. On était dans une glaciation, donc pas très propice à domestiquer les animaux et les plantes. Donc ça ne se fait pas néanmoins partout, ça se fait en parallèle et de manière indépendante sur plusieurs continents, en Chine, en Amérique du Nord, du Sud, au Proche-Orient, pas du tout en Europe. Chasseurs-cueilleurs européens étaient très contents de leur sort, visiblement. Mais ça se fait dans des endroits où, donc, ça va de soi, il y a des espèces domesticables, mais où aussi on va mettre au point les techniques, conserver les céréales sans qu'elles pourrissent ou qu'elles soient mangées par les rongeurs, nourrir les animaux qui sont arrachés à leur vie naturelle, les soigner, etc. Toujours est-il qu'à partir du moment où le néolithique s'installe, où l'agriculture sédentaire s'installe, eh bien là, la démographie humaine va exploser grâce à la sédentarité, à une nourriture mieux sécurisée. Les chasseuses-cueilleuses avaient en moyenne un enfant tous les 3-4 ans. Chez les agricultrices, ça va devenir tous les ans. Donc l'approvisionnement maintenant devient complètement différent. C'est l'agriculture et l'élevage. Très rapidement, la chasse devient complètement anecdotique, tout comme la cueillette. Et ça va être aussi un bouleversement alimentaire, fondé essentiellement sur les céréales, donc une nourriture plus molle, plus sucrée, avec des conséquences positives sur le fait que ça permet la démographie, mais aussi négative dans la mesure où la physiologie d'Homo sapiens n'était pas prévue pour ça. Donc on voit les caries dentaires augmenter et ça débouchera 10 000 ans plus tard sur la crise de surpoids actuelle qui affecte à peu près 2 milliards d'humains et qui est certainement une des épidémies, mais ce n'est pas par contagion, les plus graves du moment. Et puis on voit apparaître aussi par ailleurs des troubles musculo-squelettiques qui sont liés aux gestes répétitifs et pénibles de l'agriculture. Alors, ces croissants, une tradition, vous réglez comment, monsieur ? Quels sont les premiers produits qui sont domestiqués dans l'agriculture ? Ça va dépendre des régions, sachant que ça se produit sur plusieurs siècles, voire un ou deux millénaires, mais les céréales vont jouer un rôle très important, donc ça va être blé et orge au Proche-Orient, riz et millet en Chine, le maïs dans les Amériques, le sorgho et le mil en Afrique, complété effectivement par la domestication d'espèces domesticables, donc dans un premier temps essentiellement pour la nourriture, la viande, et un peu plus tard également comme les animaux de trait pour le portage. Donc au Proche-Orient, ça va être bœuf, mouton, chèvre, et porc, donc à partir de l'orogue, du sanglier, du mouflon et des chèvres sauvages. En Chine, ça va être le porc, le buffle, le poulet. Et dans les Amériques, l'élevage a joué un rôle moins important. C'était le lama, le dindon, le cochon d'Inde. Et donc, progressivement, on va passer de la capture et de l'apprivoisement simple à une réelle domestication. Donc, c'est pas du tout un coup de génie, une invention qui ensuite se serait répandu, c'est effectivement dans des milieux qui deviennent plus favorables grâce à cette période interglaciaire, ça va être une connaissance progressive de ces animaux et de ces plantes, sachant que les chasseurs avaient de toute façon une bonne connaissance du milieu naturel et puis qui fait que petit à petit on est passé à l'agriculture et à l'élevage proprement dit. Jean-Paul Demoule, pourquoi l'invention de l'agriculture qui concerne plutôt les zones rurales serait-elle favorable au développement des villes de noyaux urbains ? Grâce justement à cette agriculture et cet élevage, la démographie humaine décolle. Il y a 10 000 ans, il n'y avait pas plus de 2 ou 3 millions d'Homo sapiens sur toute la planète. Donc en seulement 10 000 ans, c'est-à-dire 5% de la durée d'Homo sapiens, on va passer de 2-3 millions à 8 milliards et bientôt 10 milliards. Donc la démographie explose et les villages vont grossir petit à petit et vont déboucher quelques millénaires plus tard sur de véritables villes. Et là, c'est une nouvelle révolution, comme il y avait la révolution néolithique avec l'agriculture. Là, c'est la révolution urbaine et la naissance de l'État. Il est comment ce pain au maïs ? Pour être honnête, je ne l'ai pas encore goûté, donc on verra ce soir. Vous achetez souvent du pain au maïs ? Non, plutôt du pain à l'épeautre. Là, c'est pour faire sans gluten ce soir. Donc là, tout change. Les villes donc, vont émerger. Les plus anciennes, c'est en Égypte et en Mésopotamie, aux alentours de 3500 avant notre ère. À peu près un millénaire plus tard, dans la vallée de l'Indus, l'actuel Pakistan, en Iran, en Chine. On a aussi des exemples au Pérou, à Caral, vers moins 3000 à peu près. Et donc, ces grandes concentrations humaines vont exiger une logistique tout à fait différente. Donc, on va voir apparaître des métriers sédentaires, les artisans, les boutiques qui s'ouvrent, comme on peut voir très concrètement à Pompéi, qui est une ville évidemment encore plus tardive, mais qui est une des mieux conservées au monde. Et puis, se met en place effectivement l'État lui-même, donc avec les rois ou leur équivalent, la bureaucratie qui va avec. C'est là qu'on invente l'écriture, parce que jusque-là, il y a des choses qu'on peut se transmettre par la mémoire, comme des épopées, des hymnes religieux, des généalogies. Mais là, pour gérer une société, savoir qui a payé ses impôts, l'état des stocks, là, on invente l'écriture. Et tous les textes les plus anciens qu'on connaisse sont des textes de nature économique. Ça va être des registres de comptes, des inventaires. L'écriture va susciter toute une bureaucratie liée au pouvoir. Une demi-tradition, s'il vous plaît. Bien cuit. Alors, c'est parti. 60 centimes. Merci. Au revoir. Et pourquoi est-ce que les céréales se prêtaient particulièrement bien à cet essor démographique ? Donc, certes, pour la question des calories qu'elles permettent d'apporter, mais sur la question du stockage, pourquoi est-ce qu'il y a un basculement comme ça avec ce moment de domestication des céréales ? Les céréales, comme l'a rappelé récemment un anthropologue américain, James Scott, pour son livre qui s'appelle Homo Domesticus, dont j'ai fait la préface, les céréales vont jouer un rôle important justement pour la naissance de l'État. Les céréales sont toutes mûres ensemble, on les voit et on peut donc les prélever, puisque l'État va être fondé justement sur l'imposition. Et les céréales ont cet avantage qu'elles sont visibles. James Scott fait remarquer que là où l'agriculture repose sur la patate douce, sur les ignames, sur le taro, le manioc, des choses qui poussent pas en même temps, qui sont sous la terre, qu'on voit pas beaucoup, c'est pas des endroits où on a vu apparaître l'État. Ou alors beaucoup plus tard et par conquête, etc. Merci. Nous allons à Gand, en Belgique, dans la partie flamande du pays, pour tenter de nous replonger en plein Moyen-Âge, au XIIe et XIIIe siècle, en retrouvant les lieux qui témoignent de la façon dont les autorités politiques ont organisé et géré l'approvisionnement de cette grande ville du nord de l'Europe. Alexis, voilà, enchanté. Alexis, enchanté. Alexis Wilquin, on se retrouve ici au centre de la ville de Gand. Vous êtes historien médiéviste et on est dans un centre historique qui a l'air très bien préservé, puis piétonnier, on n'a pas de bruit de voiture, on a eu beaucoup de tramways, de vélos. On est entouré de ces maisons typiques de cette architecture flamande. En fait, ici, on est donc en bord d'un lieu qui s'appelle maintenant le Grasleil, donc c'est le quai aux herbes, mais qui s'appelait auparavant le Korenleil, c'est-à-dire le quai aux grains. Et c'est vraiment le cœur du dispositif qui servait à alimenter la ville de Gand pendant le Moyen-Âge et l'époque moderne. Donc on est vraiment au bord de la Lys, une rivière importante. Et alors on a toute une série d'édifices qui nous rappellent ce besoin de nourrir la ville. vous nous avez proposé de nous retrouver ici, devant ce bâtiment très particulier, très ancien. Cette maison des tables de grain, c'est une façade avec un fronton triangulaire typique de la région des Flandres. Et cette pierre de grès qui est grise, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? Donc on est au pied ici d'un des édifices les plus anciens de la Belgique médiévale qui s'appelle la maison de l'étape, Stapelhuis. Et donc c'était le lieu dans lequel on entreposait le grain qui était déchargé depuis les quais du Courenlay. Ce bâtiment daterait de la fin du XIIe siècle et il restera donc en fonction pour abriter le grain jusqu'au XVIIIe siècle. Et puis après, il abritera alors le métier des porteurs de sacs. Donc ce sont tous ceux qui déchargeaient les bateaux, qui transportaient alors les sacs de grains et d'autres marchandises et qui les acheminaient éventuellement vers des commerces par exemple, vers des brasseurs, des meuniers. On estime qu'il y avait de très nombreux entrepôts, près de 150 en fait, qui étaient destinés au stockage divers des biens qui transitaient par la Lys ou par la Lys. Et quel type de céréales on trouvait ? Alors on peut trouver de tout parce que en fait il y a des pratiques de consommation différentes des céréales. La céréale des élites, hein, celle qui permet de faire du pain blanc, c'est le froment qui ne pousse précisément pas beaucoup aux alentours de Gand. On en retrouve dans la Flandre française et sur certaines côtes et dans certains polders. Donc là il faut des sols plus lourds. Et puis alors après il faut des céréales plus modestes, du seigle par exemple qui là pousse en partie dans la région, de l'avoine aussi qui sert notamment à nourrir les animaux. Donc on trouve en fait de nombreux types de céréales avec des profils de consommation très différents. Et vous pouvez voir de manière un peu amusante, la maison de l'étape sert encore à satisfaire des besoins alimentaires puisque c'est devenu un restaurant à hamburgers. On va monter s'il vous plaît. D'accord. Le bureau du boulanger. Effectivement, le moment où ça permet un petit peu de décrocher et se remettre un peu les idées en place. Alors, moi, je suis Monsieur Baker. Je suis le boulanger pâtissier de l'atelier Guinot. Une boulangerie-pâtisserie artisanale. On a ouvert il y a 4 ans maintenant, dans le 11e, et on avance petit à petit. On a une gamme de pains assez classique. On a la tradition française qui est connue, reconnue dans le monde entier. On travaille aussi avec de la tradition au charbon. On fait un pain tout noir au charbon végétal avec des graines de sésame torréfiées. On a un pain au maïs, un petit peu sucré, un peu légèrement brioché. Un petit peu, voilà, ça se marie super bien pour le petit-déj avec des petites tartines avec de la confiture, ça c'est top. On a notre pain de mie, une recette qu'on fait ici aussi, légèrement différente des autres pains de mie, parce qu'elle est un petit peu briochée, légèrement sucrée, du coup, les enfants en raffolent. Une fois par mois, on se fait une petite folie, en fait. Le dernier pain qu'on a fait, c'était un pain avec betterave, gingembre. On s'éclate un petit peu avec des produits un peu originaux, et ça se passe plutôt bien. La ville de Gand devait compter au milieu du XIVe siècle environ 64 000 habitants, ce qui en fait quand même une ville vraiment importante. On sait que la ville de Cologne, par exemple, qui était aussi une grande métropole, comptait probablement environ 40 à 50 000 habitants. Donc il faut vraiment imaginer que c'était une des villes les plus importantes tout court de l'Occident. Et en plus, ce chiffre est un chiffre pessimiste, dans le sens où il tombe après la peste noire, qui va massacrer une partie très importante de la population, entre un tiers et la moitié, il y a des chiffres un peu controversés, et après une période de famine en 1315-1317 qui avait déjà affaibli avant la peste une bonne partie de la population. Donc c'est probablement une estimation assez pessimiste parce qu'au début du 14e, il devait y avoir encore nettement plus de personnes à l'intérieur de Gand. Alexis Wilquin, pourquoi Gand avait cette puissance-là ? Quelle était l'origine de cet essor de cette ville au Moyen-Âge ? Alors Gand doit son essor à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'était au tout début, au Moyen-Âge, la présence d'institutions qui étaient fort riches, des abbayes, Saint-Pierre et Saint-Bavon. Et puis alors après, il y a le pouvoir comtal qui va s'installer dans la ville, ici, après avoir été itinérant. Hein, donc les institutions religieuses et laïques étaient extrêmement riches. Elles possédaient de nombreuses terres, et donc le premier essor de Gand vient en quelque sorte de la campagne et de l'afflux des richesses campagnardes. Mais ce qui fera évidemment la prospérité, surtout de la ville plus tard, c'est le textile. Les institutions possèdent notamment sur les côtes des troupeaux de moutons, d'ovins, et avec cette laine, on va commencer alors à développer l'industrie textile qui va prendre un essor de plus en plus grand, au point que pendant le Moyen-Âge central et le bas Moyen-Âge, on peut dire que 60% de l'activité économique, finalement, dépend du secteur textile. Alors, au-delà du travail de la laine, qui permet de faire des draps de différents types de qualité, et des draps notamment aussi de très haute qualité, qui sont vendus jusqu'en Méditerranée, dans le nord de l'Europe, un peu partout, donc le drap gantois, c'est vraiment devenu une marque de fabrique que l'on retrouve partout, eh bien, on va aussi développer la fabrication de textiles en lin, donc d'origine végétale, cette fois-ci, qui produit alors évidemment des vêtements et des toiles qui sont de moindre qualité, mais qui sont là aussi commercées un peu partout. Donc ça fait vraiment l'essor principal de la ville de Gand. Est-ce qu'il y aurait comme un circuit d'essor qui fait qu'une ville peut s'enrichir dès lors qu'elle développe un artisanat, une industrie qui est capable de générer des excédents monétaires, mais cette population-là, pour la nourrir, pour la rassembler, ben, elle ne peut pas produire sa nourriture elle-même, quoi. Donc il faut que la ville s'en occupe. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment un défi. En fait, à partir du moment où vous vivez en ville et que vous exercez une activité artisanale, par exemple, ben, vous n'avez pas de temps et d'énergie à consacrer à la culture. Et donc forcément, vous êtes dépendant de l'afflux des denrées qui vient vers la ville. En fait, c'est la croissance de la campagne ou le dynamisme de la campagne qui rend possible, d'abord, l'existence d'une ville. C'est ce qu'on a d'ailleurs réévalué en histoire médiévale, parce que pendant longtemps, le grand historien belge Henri Pirenne avait fait finalement du commerce, notamment de produits artisanaux, le grand moteur de la croissance des villes. Mais on s'est rendu compte d'abord qu'il fallait regarder un peu en amont. Pour que les villes puissent exister, ben, il faut de la main-d'œuvre qui vient des campagnes, donc une forme d'émigration de la campagne vers la ville. Et puis surtout, il faut que les campagnes aient une capacité productive suffisante et donc qu'elles aient une agriculture performante et qu'il y ait des circuits qui soient installés pour soutenir justement cette existence de la croissance urbaine. Donc il n'y a pas de ville sans campagne, en tout cas sous l'Ancien Régime. Bien sûr, dans les villes, il y avait déjà du jardinage urbain, hein, de l'urban gardening, comme on dirait maintenant. Il y avait des zones dans lesquelles on pouvait planter, cultiver, mais c'était pas suffisant pour nourrir la ville. Il y avait des espaces verts et des ceintures vertes aussi en périphérie immédiate, mais au plus une ville était finalement populeuse et avait un secteur artisanal, économique et une grande diversité d'activités importantes, au plus évidemment elle devait se projeter, parfois très loin, pour garantir finalement sa sécurité alimentaire. Où est-ce que vous achetez vos farines ? Alors nous, on travaille avec un moulin qui est pas très proche de Paris, en 91, c'est un moulin familial. Ils achètent, je pense, à quelques producteurs parce qu'ils ne peuvent pas tout produire, parce que voilà, il y a une grosse demande quand même. Mais voilà, ils ont une gamme 100% à eux, il a ses propres plantations, il a ses propres parcelles, et voilà, ils transforment de la céréale à la farine avec le moulin, donc il y a un suivi de A à Z. Et est-ce que vous avez eu des augmentations des prix de la farine ? On en a tous les ans un petit peu, parce que là, ça dépend de la récolte de l'année d'avant et tout. Mais là, cette année, on est sur des hausses qui sont énormes, avec une lettre d'excuse du moulin qui explique voilà, les hausses qui sont à venir sur tous les produits. Et là, on a un vendeur de gaufres. Et là, il y a une très belle boulangerie. Qu'est-ce qu'on a ici comme pain ? On voit maintenant que on privilégie de plus en plus la mode des pains entiers aux farines mélangées. Le pain blanc est un peu passé de mode. À l'inverse, pendant le Moyen-Âge et à l'époque moderne, le pain qui était préféré par les élites, c'était plutôt le pain de froment, le plus blanc possible, donc d'une farine parfaitement tamisée, tandis que les populations plus modestes devaient se contenter de pains mélangés, moins purs, ou avec d'autres types de céréales qui donnaient des pains noirs, d'où l'expression évidemment « manger son pain noir ». Et d'où provenait le grain qui venait alimenter la ville de Gand ? La ville de Gand avait des besoins énormes en grains, et donc les campagnes des alentours, bien sûr, pouvaient en fournir une partie. Mais la ville de Gand est située dans la Flandre sablonneuse, donc qui ne pouvait lui offrir qu'une partie seulement de ses besoins, qui étaient vraiment tout à fait immenses. Et donc elle devait amener du grain de plusieurs régions, et notamment de la Flandre française, de l'Artois aussi, de la Picardie, et donc par les rivières en particulier, on transportait une énorme quantité de grains qui était acheminée jusqu'à la ville de Gand. Et donc il fallait vraiment que la ville joue un rôle de prédateur en quelque sorte et essaye d'attirer dans ses filets les quantités de grains qui auraient pu être drainées vers ailleurs. Et donc il y a eu un dispositif qui était vraiment important et qui a été appliqué d'abord au milieu du XIVe siècle, qu'on appelait le droit d'étape. Ça rappelle aussi donc le fait que cette maison ici à côté de nous s'appelle la maison de l'étape. C'est en fait l'obligation pour tous les bateaux qui charrient du grain de s'arrêter de manière obligatoire à Gand et de décharger leurs marchandises et d'en proposer au moins une partie au marché gantois. Et de cette façon, donc, la ville exerce un rôle coercitif, finalement, sur tous les commerçants qui passent, et ainsi les oblige à décharger leur cargaison. Et donc, ça garantit à Gand un approvisionnement continu, constant, mais au détriment, évidemment, d'autres destinations possibles. Donc, il y a une compétition entre les villes, entre les espaces de marché, pour cet accès au grain qui est fondamental. Et la ville va parfois adopter des conduites tout à fait égoïstes, en punissant, par exemple, la petite ville d'Alost, au XVe siècle, qui vivait, par exemple, beaucoup de la réexportation du grain qui venait du Hainaut voisin. Eh bien, Gand va, dans ce cas-là, ne pas hésiter à emprisonner les autorités alostoises parce qu'elles veulent échapper, en quelque sorte, à sa prérogative, à son droit d'étape. Donc, vraiment, il s'agit d'une prospérité qui s'exerce un peu au détriment d'autrui, finalement. Alors, cette autorité, elle s'exerce de différentes manières. Donc, les autorités urbaines essayent évidemment de garantir un approvisionnement constant pour que les gens ne meurent pas de faim, bien sûr, pour éviter aussi l'insécurité sociale et politique, puisque les ventres affamés peuvent aussi se révolter et donc mettre en danger une espèce de contrat tacite qui peut exister entre le gouvernant et les gouvernés, qui veut que le gouvernant, normalement, garantisse la subsistance de ceux qu'il gouverne. Et jusqu'à la Révolution française, par exemple, où on sait que le roi boulanger n'apporte pas la nourriture qui est attendue du peuple. Alors, on ne peut pas lier la Révolution exclusivement aux émeutes de la faim qui l'ont précédée, mais c'est un facteur qui a certainement pesé dans la déstabilisation de l'ordre d'ancien régime. Donc il y a un contrat tacite qui existe. Donc garantir les flux, ça c'est une première chose. Garantir aussi une forme de diversité, de qualité et de type de produits, parce que les grandes villes en tout cas, et des villes comme Bruges, Gand, Cologne par exemple, sont des villes mondes à certains égards et qui donc peuvent offrir aussi une grande variété de produits. Donc on n'offre pas seulement des produits qui garantissent la subsistance élémentaire, mais on offre aussi des produits de luxe, par exemple, qui viennent de très loin, des épices, du safran, des amandes, des abricots, par exemple, qui peuvent venir notamment de la région méditerranéenne. Donc là, cette diversité aussi fait que la ville a une autre fonction, c'est pas seulement garantir la survie, mais aussi offrir le superfétatoire, d'une certaine manière. Bonsoir madame, une tradition, s'il vous plaît. Celle de gauche, là, elle est bien. Celle de gauche, c'est là. Ouais, c'est par là, la gauche. Comment vous faites face à des augmentations du prix de la farine? On fait un petit effort parce qu'on augmente les prix, mais d'un autre côté, on fait un effort personnel parce que voilà, on se dit la marge, elle est touchée un petit peu. Après, ça va être de changer de moulin, essayer de travailler avec des farines qui sont un peu plus loin, un peu à l'étranger, et voilà, qui coûte un peu moins cher, et là on peut un peu jouer là-dessus, mais bon, après c'est pas la politique de la maison, donc pour l'instant on est comme ça. On essaie de travailler avec des circuits courts, voilà, il est à côté, je peux aller les voir, on peut discuter, on peut vraiment voir toutes les transformations du blé à la farine, voilà, je pense que c'est important aussi. C'est parti. Alexis Wilquin, à quel point on peut associer l'essor des villes du Moyen-Âge avec leur capacité de production agricole ou d'emprise sur des ressources alimentaires ? Le contrôle vraiment d'un espace autour de la ville pour alimenter cette ville, c'est un enjeu de politique économique fondamental. Bon, on va dire maintenant, on redécouvre actuellement aussi ces questions de manière tout à fait criante. Mais Gand n'aurait pas pu fonctionner si jamais elle n'avait pas installé comme ça sa domination sur les rivières et sur les campagnes. C'est un enjeu qui traverse en fait l'histoire d'à peu près toutes les grandes villes. Si on se déporte vers l'Italie par exemple du Nord, qui est un des espaces les plus urbanisés de l'Europe médiévale avec la Flandre précisément, et les Pays-Bas du Sud en général, eh bien on va retrouver le même enjeu. Les villes italiennes vont devoir contrôler un espace qu'on appelle le contado, et qui est finalement cet espace campagnard qui va fournir là aussi les aliments de base. Quand nous allons au marché aujourd'hui, c'est surtout pour nous fournir en produits frais, fruits et légumes, poissons et viandes, en provenance de producteurs locaux ou du bout du monde via le grand marché de Rungis. Mais au Moyen-Âge, le marché, qui porte bien son nom, est un marché de valeur, sur des denrées de long terme et aux enjeux de thésaurisation, les céréales. C'est qui mon ami ? 5. Per favore, me la date a me. Arriva, mo. Sta comprando le olive. Un chilo di queste bianche e mezzo chilo di queste sere. Siamo in mercato, dentro, va. Depuis le XIIIe siècle, Florence, comme d'autres cités-états du nord de l'Italie, expérimente une relation nouvelle au pouvoir en se libérant des rapports féodaux qui prévalent en Europe. Ici, la ville, avec le gouvernement autonome de la commune, contrôle l'espace géographique autour du noyau urbain et sa campagne environnante, et organise l'autonomie de son approvisionnement. Affranchie d'une relation de domination unilatérale avec un seigneur, Florence se gouverne par la représentation et le jeu des délibérations entre groupes, corporations et grandes familles qui pèsent en pouvoir et contre-pouvoir. Questo si chiama tema. Tema. Tema. Laurent Feller, professeur émérite d'histoire médiévale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On sait qu'à Florence, il y a un marché au grain. Donc il y a une place du marché qui est réservée à ça, à cet échange de grains. C'est ça qui est particulièrement surveillé. Le marché des légumes est quand même beaucoup moins stratégique, beaucoup moins crucial. La chose essentielle pour les Florentins, c'est que c'est bel et bien du grain qui s'achète, et non pas de la farine, ni du pain. C'est un élément de consommation qui est déterminant sur l'organisation des villes. Par exemple, à Paris, au XVe siècle, on achète le pain tout fait. Le pain est cuit dans des boulangeries qui sont hors de la ville et avec dans des endroits précis dans la banlieue parisienne. On importe donc le pain tout prêt. Il y a des raisons à cela, des raisons qui sont liées à la peur de l'incendie. Alors quand on est à Florence, c'est différent. On achète du blé pour la semaine. Il faut le moudre. Alors le moudre, il y a deux possibilités. Soit on le porte au meunier, soit on utilise une meule à bras à la maison. Ensuite, le pain est élaboré à la maison et porté à cuire au fournaille, au fournier. Donc ce sont des modes de consommation qui impliquent une distribution capillaire très différenciée en fonction des modes alimentaires. Et pour approvisionner en grains, en céréales, comment les autorités, qu'elles soient civiles ou religieuses, s'organisent-elles ? Florence est approvisionnée par plusieurs biais. Il y a d'abord le marché. Les paysans, ceux qui ont une production excédentaire, vendent eux-mêmes au marché, ne serait-ce que parce qu'ils ont besoin d'avoir des pièces de monnaie pour payer leurs redevances seigneuriales et aussi pour acheter des outils qu'ils ne fabriquent pas eux-mêmes. Donc le marché paysan est une affaire essentielle pour l'économie rurale, d'une part. Vous avez d'autre part les prélèvements seigneuriaux effectués sur les tenures paysannes, c'est-à-dire pour les plus modernes d'entre eux, les seigneurs exigent que leurs redevances soient payées en grains. Cela leur permet d'approvisionner eux-mêmes le marché et à partir du XIIe siècle, de tirer le plus grand profit des hausses de prix. Leurs capacités de stockage sont réelles, c'est-à-dire que les châteaux médiévaux sont toujours accompagnés de greniers et accompagnés aussi de granges dans lesquelles on stocke le blé, ce qui permet d'attendre le moment le plus propice pour jeter les céréales et les grains sur le marché. Donc les seigneurs, par définition, sont des spéculateurs. Donc il y a le prélèvement seigneurial et la mise sur le marché en ville. Par ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, les autorités communales tiennent le plus grand compte un élément fondamental qui est la régularité de l'approvisionnement. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait toujours quelque chose sur le marché. Il peut y avoir du froment, il peut y avoir du panic, il peut y avoir du seigle, il peut y avoir de l'avoine, toutes sortes de céréales panifiables. Pour parvenir à cela, les autorités développent des procédures de contrôle de la production, des procédures aussi d'investigation, d'enquête sur la production, mais aussi créer des institutions stables et pérennes pour approvisionner la ville. La plus belle s'appelle l'abondance. L'abondance fait en sorte que le blé soit toujours présent. C'est une institution qui centralise tous les achats de grains de la ville, qui achète du grain à la campagne et qui ensuite vend à perte pour casser les spéculations. La ville de Florence, à travers l'Office de l'Abondance, organise des flottes qui partent de Pise ou de Talamone, ça dépend des moments, et qui vont jusqu'en mer Noire pour acheter du blé en Ukraine, dans les zones qui sont toujours excédentaires. Et ce blé est rapporté en quantité insuffisante pour nourrir la population, mais en quantité suffisante pour casser les spéculations. Du XIVe siècle florentin nous provient un document d'archives exceptionnel. Entre 1320 et 1335, un marchand de céréales florentin du nom de Domenico Lenzi a consigné l'évolution des prix du blé à Florence, qu'il a accompagné de commentaires sur les réactions populaires à ces fluctuations et aux décisions prises par la ville pour remédier, avec plus ou moins de succès, aux problèmes d'approvisionnement. Samedi 8 avril 1329. Comme les seigneurs officiers de l'office du blé virent sur la place d'Orsan Michele peu de grains et encore moins de pain et autres céréales, et qu'une grande foule de personnes de divers lieux, de la ville et de la campagne, venaient pour y acheter, ils firent, par crainte des troubles, chercher le chevalier et les sergents du podestin. Quand ils furent réunis, armés comme pour aller à la bataille ou au pillage, les six et le podestat proclamèrent l'ordre que personne, marchand ou autre, qui aurait du grain à vendre, pour quelque raison que ce soit, ne devrait le vendre plus de 30 sous le setier, sous peine d'amende arbitraire. Laurent Feller a travaillé sur ce célèbre Libro del Biadaiolo, c'est-à-dire le livre du marchand de grain. Il y a ensuite d'autres politiques qui sont des politiques de réquisition et de contrôle. C'est-à-dire que lorsque la disette s'annonce et que ça commence à être un peu difficile, les autorités organisent une inspection générale des greniers et font l'inventaire de tout ce que toutes les maisons possèdent, de manière à ce qu'on puisse contraindre ceux qui ont des réserves de grains importantes à les jeter sur le marché au moment opportun et à limiter la casse du côté de la spéculation. C'est la croissance même, l'existence même de la ville comme organisme économique, comme centre industriel qui est en cause. Il faut donc éviter, dans la mesure du possible, les épisodes de cherté tels qu'ils déboucheraient sur une disette ou sur une famine en ville. On n'y arrive pas nécessairement toujours, mais c'est une constante dans les politiques urbaines. Les six proclamèrent dans la cité, de la part du podestat, l'ordre que tous ceux qui avaient du grain ou des céréales, plus qu'il n'en fallait pour vivre d'ici au 1er juillet prochain, devaient leur en apporter une déclaration écrite, ceux de la cité dans les 5 jours, ceux de la campagne dans les 10 jours, sous peine de confiscation. Et le marché dans la ville, comment est-ce que les autorités l'organisent ? Il y a une périodicité. Il faut qu'une autorité seigneuriale ou une autorité politique importante prenne le temps et ait le pouvoir d'organiser l'espace pour que les marchés se tiennent le lundi, le mardi, le mercredi et qu'ils se succèdent dans l'espace. Est-ce que vous êtes d'accord, Laurent Feller, avec la thèse ou l'hypothèse qui dit que le contrôle politique s'est surtout exercé sur les céréales parce que c'était ce qui se stockait le mieux ? C'est ce qui se conserve le mieux, indéniablement. C'est-à-dire que les céréales peuvent se conserver sur 4 à 5 ans, peut-être même davantage. Enfin, au bout de 5 à 6 ans, quand même, le blé perd ses qualités alimentaires. Donc, il ne faut quand même pas le garder trop longtemps. Ça se contrôle mieux sur le marché, c'est évident, mais en même temps, c'est ce que demandent les consommateurs. Alors pour tous ceux qui organisent le marché, que ce soit des seigneurs ou que ce soit des villes, il y a plusieurs considérations. D'une part, il faut que les poids et mesures soient vérifiés. Donc il y a une police de ce côté. Il faut que l'ordre règne, c'est-à-dire que les voleurs soient attrapés et châtiés rapidement. Il faut donc, en gros, que la sécurité des transactions soit assurée, que les paiements soient faits, donc il faut une monnaie. Donc ça ne marche pas tout seul, un marché. Le jeu de l'offre et la demande, ça existe dans les fantasmes des économistes. Dans la réalité, le jeu de l'offre et la demande, il est régulé par ces instruments que sont la monnaie, les poids et mesures et la police. Lundi 29 mai 1329. Quand la place fut fournie de grains, des citoyens, des paysans arrivèrent en foule et se rassemblèrent sur la place pour avoir du blé. Quand l'heure de la mise en vente sonna, la place était remplie d'acheteurs, sous la loggia et aussi dehors. On se pressait autour des cuves et la presse était si grande qu'on se bousculait, se heurtait, qu'on en venait même au cou. C'est à Florence, dans les années 1330, et il y avait de grosses tensions sur les marchés alimentaires. Et une année où ça allait vraiment très mal, une tension sociale très forte autour du marché, il a fallu que les autorités publiques de Florence fassent venir le bourreau sur la place du marché avec son billot, sans à ce que la peur du désordre fasse que l'ordre soit respecté. L'histoire ne dit pas si le bourreau a œuvré, mais en tout cas, sa présence déjà est un signe que le marché ne fonctionne pas tout seul. Il n'y a pas de main invisible du marché. C'est le contraire. Il y a une forte régulation nécessaire qui passe par la coercition. La justice du marché, c'est une justice qui peut être extrêmement violente. C'est-à-dire qu'il faut arrêter les voleurs, ceux qui fraudent sur les quantités aussi, mais aussi les voleurs à la tire. Donc tous ceux qui pourraient perturber les transactions, donc il faut surveiller ça, mais ça c'est encore maintenant. Hein. Et puis, il faut d'autre part, là c'est médiéval, que la justice soit rendue rapidement, qu'elle soit effective et qu'elle soit brutale. Voici une cité mal gouvernée que nous ne pouvons avoir de grain. Et il faudrait aller aux maisons de ces voleurs qui en ont, y mettre le feu et les y brûler dedans, pour ce qu'ils nous tiennent dans cette faim. Les cris, les gémissements, les hurlements étaient si forts qu'on aurait cru qu'ils tenaient. C'était grande pitié à entendre, et certainement la puissance divine elle-même en était émue. À beaucoup d'individus, hommes et femmes, on coupa et subtilisa la bourse. Face à ce brouhaha, les six du blé firent installer la hache et le billot à la garde de deux hommes d'armes. Cela pour intimider les bagarreurs et les voleurs. Puis le chef de la police, un homme à poigne, fit le tour des cuves pour en éloigner les gens. Ceux qui n'eurent aucun blé ce jour-là furent extrêmement nombreux et ils s'en retournèrent chez eux tout abattus, sanglotant, en larmes et s'en prenant avec amertume à la providence divine. Qu'est-ce qu'on peut voir encore dans la ville de Gand, Alexis Wilquin, des vestiges de ce circuit d'approvisionnement alimentaire médiéval? À côté de la Staple House, par exemple, il y a la maison de la douane. Et cette maison de la douane, c'était le lieu où on encaissait les redevances qui étaient perçues sur l'acheminement de ces produits divers qui servaient à alimenter le marché. Et alors à côté, vous avez un autre édifice tout à fait remarquable, bon, qui est en gothique flamboyant, et qui abritait en fait la corporation des francs bateliers. Donc c'était une corporation particulièrement puissante, puisque c'était eux qui avaient le monopole de la navigation sur la Lys et sur la Live, le canal qui conduisait vers Dames, donc sur la côte, et qui garantissait alors un accès aux produits arrivant depuis la mer. Les autorités urbaines alors disposent de plusieurs dispositifs pour organiser l'approvisionnement. Donc ce qu'elles essayent de garantir d'abord, c'est quand même l'accès à une nourriture abondante et pas trop coûteuse. Et donc on essaye d'éviter des trafics, des situations de monopole, ce qu'on appelle aussi des recoupeurs ou des regrattiers, des gens qui vont acheter tous les stocks pour ensuite les écouler à des prix plus élevés. Donc ça c'est vraiment la spéculation. La spéculation, oui. Ça, cette spéculation, elle est vraiment au cœur de toutes les législations urbaines. C'est vraiment un enjeu politique et économique tout à fait fondamental. Alors la ville garantit aussi la qualité des produits qui sont vendus. Ça vaut évidemment pour des produits particulièrement périssables, comme la viande ou le poisson. Et donc, il y a des mécanismes de contrôle qui sont inventés sur les marchés urbains. Et alors, on a donc des inspecteurs qui sont normalement attachés au métier qui vend les denrées et qui garantissent la qualité. Par exemple, un poisson qui a été vendu un jour, on va lui couper la queue le soir du premier jour pour que les gens qui le verront sur le marché le deuxième jour sachent qu'il s'agit d'un poisson du lendemain. Et donc il s'agit en clair de protéger le consommateur contre des abus multiples qui existent encore maintenant, mais qu'on avait déjà évidemment parfois et très souvent même rencontrés sur les marchés médiévaux et modernes. Quelle était la part de l'alimentation dans le budget des gens pendant la période médiévale ? Ça dépend évidemment des groupes sociaux, bien entendu, mais pour la majorité de la population, on peut dire que, de manière approximative, quand on a des chiffres, on les a surtout pour la fin du Moyen-Âge ou le début de l'époque moderne, à partir du XVIe siècle principalement, on peut dire que l'alimentation représentait 2/3 à 80% au moins du budget d'un ménage. Donc il restait quasiment rien pour se loger et pour se vêtir. Donc il n'y avait aucune possibilité non plus de thésauriser, de faire des économies en prévision d'un coup dur. C'est pas évident de tenir des prix corrects pour les consommateurs tout en ayant des contraintes de boulanger, de farine. De... Non, c'est pas évident. C'est, Monsieur Becker, boulanger. C'est en train d'évoluer tellement vite que maintenant ça va un peu dans tous les sens. Et je pense que ça va pas s'arranger dans les prochaines années parce que ça va être compliqué de tenir un prix fixe. On essaye en tout cas parce que une baguette classique dans une boulangerie, ça doit pas dépasser 1,10€ grand max, une baguette. Voilà, c'est la base, c'est du pain, c'est 1€ déjà pour une baguette, je trouve que c'est énorme. Bientôt, voilà, il va y avoir 1,20€, 1,30€ ou 1,50€, la baguette, je parle pas de la tradition, vraiment la baguette de base, c'est choquant. On se bat tous les jours pour essayer de garder des prix corrects, et quand j'augmente mes prix, j'ai même honte d'augmenter mes prix. D'un autre côté, c'est moi qui prends, parce que là j'ai eu un rendez-vous avec ma comptable, elle me dit votre marge elle est ridicule, là, vous baissez d'année en année. Voilà, je suis perdu dans tout ça. Moi, personnellement, des fois, je me dis, est-ce que les politiques sont vraiment... ouvrent les yeux, en fait, nous regardent, et on est les boulangers, on est les pâtissiers, on est les premières lignes de ce système, on va dire. Le pain, c'est tellement un produit noble que je comprends pas pourquoi l'État n'est pas là derrière nous pour nous aider, nous pousser à tenir, quoi. Je comprends pas. C'est l'aliment de base. Moi, j'ai passé mon enfance... En Île-de-France, on était une famille très pauvre et voilà, on était soudés les uns avec les autres et on a commencé avec du pain de très mauvaise qualité, mais c'était du pain quoi, on était contents d'avoir du pain. Un petit bout de pain, c'était vraiment le truc qui pouvait te suffire à tenir la journée, c'est le pain quoi. C'était le produit de base. Mai 1329. Durant ce temps, il y eut à Florence très grande et cruelle famine et cherté. Vous devez le savoir, messire qui me lisait. La faim se fit si cruelle et si grave que les pauvres couraient à diverses racines et fruits d'arbres et viandes nauséabondes à la bouche comme au nez. Et ce que je peux dire, c'est que ma patrie, Florence, a pu, au temps de cette famine, suffire à soutenir à elle seule la moitié des pauvres de la Toscane, grâce à l'aide providentiellement fournie par ces bons citoyens riches et leur argent. Les pauvres se mirent tous à affluer, avec leur pauvreté, à Florence, comme à leur seul port d'espoir et de consolation. Laurent Feller, dès l'origine, les pouvoirs politiques s'emparent d'une mission de politique générale envers les populations. Ce sont des gens qui ont le sens de leurs intérêts. Ce sont des agents économiques particulièrement durs et qui organisent le prélèvement seigneurial pour faire en sorte qu'eux-mêmes accumulent la richesse, tirent le plus grand parti possible du travail des paysans et des terres dont ils sont les maîtres. Ces gens qui sont propriétaires de grands ateliers à Florence, c'est aussi des propriétaires fonciers et des seigneurs. Donc ils doivent jouer sur un double tableau, c'est-à-dire faire en sorte que leur profit industriel et artisanal soit maximal et que leur bénéfice qu'ils tirent de leur terre soit maximal également. Donc ils ne peuvent pas spéculer à fond s'ils veulent faire en sorte que leurs ouvriers ne meurent pas de faim pour que les ateliers puissent continuer à tourner. Donc il y a tout un complexe avec des calculs économiques et des calculs sociaux et politiques très élaborés qui sont mis en œuvre par les classes dirigeantes des villes italiennes et notamment par les Florentins, mais pas seulement, il y a aussi les Génois. Les Vénitiens sont capables de calculs rationnels complexes. Par exemple, le régime qui s'impose au XIVe siècle en Toscane, le régime de la mezzadria, c'est-à-dire le régime du métayage, à compte de mie, a été qualifié par les historiens comme une fabrique de la misère, parce que le loyer de la terre est très élevé, parce qu'il faut en plus payer la dîme, parce qu'il faut payer en plus le loyer de la terre de redevances seigneuriales, les paysans, leurs revenus, ou plutôt leurs profits, est extraordinairement limité. Est-ce nous qui avons domestiqué le chien ou est-ce le chien qui nous a domestiqués? C'est pas si clair. Et qu'en est-il des commensaux tels que les moineaux, les souris, les charançons, les tiques ou les punaises, qui n'étaient pas invités dans nos camps de regroupement, mais s'y sont installés sans notre permission, attirés par la compagnie et la nourriture? Qu'en est-il enfin du domesticateur en chef, Homo sapiens? N'a-t-il pas lui-même été domestiqué, attelé au cycle interminable du labourage, du plantage, du désherbage, de la récolte, du battage, du broyage, tout cela au nom de ses céréales préférées et des besoins quotidiens de son cheptel? La question de savoir qui est au service de qui est presque métaphysique, du moins jusqu'à l'heure du déjeuner. James Scott, Homo domesticus, une histoire profonde des premiers états. Nous sentons que les céréales, dès l'invention de l'agriculture, ont été le produit agricole sur lequel l'État a exercé sa mainmise la plus forte. Certes, pour le rapport en calories important, qui sécurise l'approvisionnement des populations urbaines, mais aussi pour leurs caractéristiques propres à la capitalisation. Adaptation au prélèvement fiscal, création d'excédents de production, capacité de stockage, résistance à la mise sur le marché à moyen et long terme. Bref, pour leurs propriétaires, les céréales semblent bien fonctionner comme de premières actions. La richesse des États repose essentiellement sur l'agriculture et donc sur le contrôle de l'agriculture. Jean-Paul Demoule, préhistorien. Il y a un moment effectivement de bascule où, au départ, dans les sociétés villageoises, eh bien, chacun est possesseur de ce qu'il cultive. Et il y a un moment où, avec ce développement progressif de l'État, eh bien, effectivement, la paysannerie qui travaille va être dépossédée de ce contrôle et de cette possession. Donc ce qu'on peut voir comme un progrès, une plus grande sécurité alimentaire, d'un autre côté, ça peut représenter une plus grande servitude vis-à-vis d'un pouvoir étatique. Il y a un grand débat actuellement lié au débat sur ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire les changements environnementaux dus à l'agriculture. Il y a un débat sur la base, mais est-ce que c'était une bonne idée d'inventer l'agriculture? Il y a des gens comme Yuval Hariri, l'historien israélien, et son best-seller Sapiens, qui a beaucoup développé cette idée. À mon sens, c'est comme toute invention, ça dépend ce qu'on en fait. Si on ne l'avait pas inventé, on serait dans une forêt et il ferait froid dehors. Donc il ne faut pas regretter cette invention et tout ce que ça a permis, mais effectivement, les sociétés sont responsables de ce qu'elles font et de la façon dont elles traitent leurs inventions. Mais c'est sûr que sans l'agriculture, le pouvoir n'aurait pas dépassé ce qu'il était dans les sociétés paléolithiques, c'est-à-dire dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ça n'aurait pas dépassé ce stade du leader charismatique qui, pour assurer son prestige, doit sans arrêt redistribuer ses biens pour montrer qu'il est important. Et dans cette problématique, la question du contrôle de l'alimentation des personnes qui habitent dans ces villes est fondamentale pour l'État. Oui, bien sûr. Les villes donc accroissent le confinement. Les remparts, ça sert en principe à se protéger de l'extérieur, mais tout autant à contrôler la population. Au Moyen-Âge, on fermait les portes le soir et personne ne pouvait ni entrer ni sortir. Donc ça aussi bien cette fonction de contrôle et l'originalité des villes, du système urbain étatique, c'est qu'effectivement, on sort plus de son village pour cultiver et ramasser la nourriture pour soi, mais la nourriture arrive toute seule, si j'ose dire, dans les commerces, et on n'a plus besoin que de sortir de chez soi, mais on fait quelques dizaines ou centaines de mètres pour s'approvisionner. En même temps, le système doit être capable de nourrir la population pour vivre, si bien que Rome, pour aller beaucoup plus loin, qui avait jusqu'à 700-800 000 habitants, eh bien, il y avait distribution permanente, gratuite de nourriture pour s'assurer effectivement la tranquillité par rapport aux populations. Panem et circenses, du pain et des jeux de cirque. Et c'est quand le système impérial s'effondre, que Rome n'est plus la capitale, mais devient Ravenne à la fin de l'Antiquité, que Rome, du coup, va se vider de ses habitants, puisqu'il faut que les gens mangent. Donc si on ne leur apporte plus la nourriture gratuite, il faut qu'ils aillent dans les campagnes. Vous évoquez le confinement des personnes, donc la domestication des espèces sauvages qui va avec la création de la domus, oui. L'habitation. C'est intéressant d'avoir ce regard, c'est pas forcément l'image qu'on a le plus souvent. Tant qu'on était pendant les Trente Glorieuses et après, on avait une vision très optimiste du développement humain, c'est ce qu'on appelait l'évolutionnisme. Ça apparaît à la fin du XVIIIe siècle, justement, siècle des Lumières, avec des gens comme Turgot, Condorcet, et ça court tout le XIXe siècle et le début du XXe. Donc on allait de mieux en mieux, et jusqu'aux Trente Glorieuses, après l'épisode malheureux des guerres mondiales, on était là-dedans. Et puis à partir des années 80, avec les maladies, le sida, la vache folle, les crises environnementales, le retour de certains conflits, on s'est mis à avoir effectivement une vision beaucoup moins optimiste de l'avenir de l'humanité. Et donc l'agriculture, on a commencé à se poser des questions sur effectivement bien fait ou pas. Donc la ville et l'approvisionnement des villes va être au centre de tous les événements historiques ultérieurs. Merci à Laurent Feller, Alexis Wilquin, Jean-Paul Demoule, à M. Baker de l'atelier Guinot et aux vendeurs et acheteurs des marchés du Capot et de Ballaro à Palerme. Merci aussi à Mylène Pardoen pour sa reconstitution du paysage sonore de Notre-Dame de Paris en 1170. Ça vous dit de manger une petite frite ou pas ? Lecture des extraits du Libro del Biadaiolo par Phil Bouvard et de Homo Domesticus de James Scott par Fabienne Lomonier. Prise de son, Raymond Albouy, Arthur Gerbeau, Johanna Gabric et Sébastien Royer. Mixage, Éric Villenfin. Documentation, Véronique Le Faller. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Des frites, là il y a des frites. C'était Ravitailler la ville, hier et demain. Premier épisode, Et du grain germa l'État. Un documentaire d'Élise Gruot et Agnès Catou. La cour. Le procès du meurtrier Patrick Henry s'ouvre le 18 janvier 1977. Ses avocats, Maître Boquillon et Badinter, vont tout faire pour lui éviter la guillotine. Retrouvez la reconstitution exceptionnelle d'un procès qui a marqué l'histoire du droit et de la justice française. Mais ce n'est pas le procès de la peine de mort, c'est le procès de Patrick Henry. Avocat emblématique, Robert Badinter sait qu'il tient là une occasion décisive pour rendre caduque la peine de mort. Le procès Patrick Henry, une série de 5 podcasts de Basile Adair. Patrick Henry, levez-vous. Réalisé par Cédric Ossire sur franceculture.fr et l'appli Radio France.